Ok. Bienvenue les gars. Eh ben on dit quoi? Alma One. Yeah. Pour ton pédigré les lâches, te juge, croyant te maîtriser, méprise-les. Non lâche pas en taf, le truc pour mes chiens de race, mes chiens de rue, les poils hérissés. On vient vous expliquer notre point de vue, voir notre zig, dépasser notre coin de rue. On vous souhaite la bienvenue sur le projet 8849. Comme quoi les choses progressent à son rythme, une team de gros def à ce qu'on dit, qui pour être honnête n'avance pas quand les big spliffs nous abreuvent. Mais ça se complique quand y'a des attentes. Je peux pas dire que j'ai pas le temps, vu que là je glande. Je fais mon cash et puis j'ai la combine. Mais je suis comme un con quand je dis que j'ai arrêté l'école pour travailler. Faire chier à décharger des combis. Marchandise, je reste honnête. Je vais pas dérober de l'or ou de l'argenterie. Je voudrais être poète ou marchand de rimes. Souvent absent, gros j'observe mon paradis. Puisque man la zig comme Oxmo, c'est ma porte d'échappement. C'est ma porte d'échappement. Bienvenue. Quand je rappe, ça fait. Yo, bienvenue, quoi de neuf, frère, t'es sportif. Cramponne-toi, le projet 8849 mètres est sorti, 14 titres. Des phases B, quelques phases A, on prendra jamais la grosse tête. Même si le succès frappe, gars t'es fou. Nous tout ce qu'on veut c'est faire bouger les foules, se défouler. Si on peut pas le faire des sous avec on paye tourner. Levez les mains, bougez la tête, c'est nous. Alma One, deux MC, un DJ qui rêve de percer vous. Voulez du hip hop, fat comme Biggie, classe comme JD, la kit calme sans que t'es frites. L'amnésia ou le shit, c'est la musique ma drogue. Va pécho l'album si t'as des raloutis.